Et me quitte pas comme ça, dit. Et me dit pas que t'es plus soif, toi, hein. Et Max, ah, elles sont belles encore, les petits, hein. Et juste un petit, quoi. Et ton mot de rapport, hein. Et moi, je suis l'entraîneur qui me plaît, moi. J'ai même plus haut, tiens, je prends tout mon temps pour me pâter. Et ce qui m'attend chez moi, je le sais, moi, c'est un mari avec son sacré balai. Là. Oh là là là là là là. Et Max, et si l'on buvait encore un petit coup, juste un petit balai, quoi. Bombe, il faut noyer tout ça, mon vieux. Comme tu dis, la vie, c'est le gorgeon à 6 heures et chacun sa tournée. Max. Et pour toi, Max, il y a toujours un petit verre et pas pour moi, dis. Et pour moi, Max. Dans les doigts, toi, hein? Hey, hey, Max! Hey, Max! En rentrant, t'as marché dans quoi? Ça sent la... Hey, hey, Max! Oh, je sais plus, moi, je... Hey, Max! Et t'en vas pas comme ça, dit! Bah alors qu'est-ce que ça veut dire? Sortez-les enfin quoi, monsieur. Arrêtez un peu tes bites, grenadine. Regardez pas, vous voyez pas dans quel état ils sont, non? C'est un peu l'anglisme. Stop!